L'agenda. Et si vous découvriez la ville de Lourdes sous forme de jeu, eh bien c'est ce qui vous est proposé au travers de fiches pratiques pour vos enfants. Et si vous guidez dans la cité mariale tout en résolvant une enquête avec des fiches Randoland adaptées pour les enfants de 6 à 12 ans. Laissez-vous donc prendre au jeu à travers des découvertes culturelles, des activités sportives ou encore pour ceux qui ne souhaiteraient pas marcher le petit train touristique qui vous propose en 45 minutes un tour de la ville qui vous permettra d'accéder à différents musées et même pourquoi pas en gyropode. Partez visiter Lourdes de façon ludique et sans effort. Et enfin, bénéficiez de l'offre familiale Passe de Zèle pour vous rendre au château fort de Lourdes et au pic du Gers par son funiculaire et profiter d'un panorama exceptionnel sur Lourdes et les Pyrénées. Pour en savoir plus, www.lourdes-infotourisme.com.